Elle suivit le conseil rusé, et, 15 jours plus tard, elle annonçait à Julien qu'elle se croyait grosse. Il eut un sursaut. « Pas possible, ce n'est pas vrai. » Elle indiqua aussitôt la raison de ses soupçons. Mais il se rassura. « Bah, attends un peu, tu verras. » Alors, chaque matin, il demanda. « Eh bien ?» Et toujours elle répondait. « Non, pas encore. Je serais bien trompée si je n'étais pas enceinte. » Il s'inquiétait à son tour, furieux et désolé, autant que surpris. Il répétait. « Je n'y comprends rien, mais rien. Si je sais comment cela s'est fait, je veux bien être pendu. » Au bout d'un mois, elle annonçait de tous les côtés la nouvelle, sauf à la comtesse Gilberte, par une sorte de pudeur, compliquée et délicate. Depuis sa première inquiétude, Julien ne l'approchait plus. Puis il prit, en rageant, son parti et déclara « En voilà un, qui n'était pas demandé. » Et il recommença à pénétrer dans la chambre de sa femme. Ce qu'avait prévu le prêtre se réalisa complètement. Elle était grosse. Alors, inondée d'une joie délirante, elle ferma sa porte chaque soir, se vouant, dans un élan de reconnaissance, vers la vague divinité qu'elle adorait, à une chasteté éternelle. Elle se sentait de nouveau presque heureuse, s'étonnant de la promptitude avec laquelle s'était adoucie sa douleur après la mort de sa mère. Elle s'était crue inconsolable, et voilà qu'en 2 mois à peine, cette plaie vive se fermait. Il ne lui restait plus qu'une mélancolie attendrie, comme un voile de chagrin jeté sur sa vie. Aucun événement ne lui paraissait plus possible. Ses enfants grandiraient, l'aimeraient. Elle vieillirait, tranquille, contente, sans s'occuper de son mari.